Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Aujourd'hui, le printemps des crèches, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Véronique Lamandour. Au départ de ce documentaire, il y a ces crèches qui sauvent la vie des mères qui travaillent et qui permettent de souffler et de se retrouver. Et du coup, cette question, mais comment sont-elles nées ? Alors pour commencer, les personnages, des psychologues pionnières, un président en visite, une éducatrice qui remonte le temps, une puéricultrice du changement, une sociologue et une institutrice qui a expérimenté. Ensuite, le décor, la médecine toute puissante, la maltraitance, le communisme des inaugurations, l'intelligence des bébés, mais des crèches sauvages, des comités d'action, des jouets Budapest, des coussins et du plaisir. Et ça commence par une archive. Avant que M. Vincent Auriol, président de la République, n'arrive au ministère de l'Intérieur pour inaugurer la crèche installée au sein de ce ministère, 25 juin 1947, retenu à notre micro le docteur Amalric, qui est directeur des services de santé de la Sûreté nationale et qui fut l'un des instigateurs de cette crèche. Docteur, je voudrais vous demander une chose d'abord. Cette crèche est réservée aux enfants du personnel du ministère de l'Intérieur. Oui. Et alors, ces enfants peuvent rester combien de temps ici ? Est-ce que la durée de leur stage est limitée ? Ces enfants entrent au moment où les parents arrivent le matin vers 9h. Ils partent à 6h30 avec leurs parents. Alors, je suppose une chose. Un bébé appartenant à un membre du personnel du ministère de l'Intérieur se trouvant malade, est-ce qu'il pourrait être reçu ici et rester ? Non, il incombe à la directrice de la crèche, qui est une assistante sociale qui a fait de la puériculture, de filtrer l'entrée des enfants et si quelque chose la chiffonne, d'appeler immédiatement le médecin qui est spécialement chargé de la crèche, qui vient immédiatement, qui consulte l'enfant, qu'il met dans la chambre d'isolement qui est prévue au sein de la crèche pour le séparer immédiatement des autres bébés. Et à ce moment-là, on prévient la mère et avec l'ambulance, on ramène l'enfant chez lui ou à l'hôpital si c'est très sérieux. Bon, eh bien, je vous remercie, docteur, et maintenant je vous laisse attendre l'arrivée de M. Vincent Auriol. Le printemps des crèches, ou comment l'austère et sévère crèche hygiéniste, s'est transformé en une crèche utopique et multicolore à hauteur d'enfant. Alors c'est vrai que les crèches pendant très longtemps ont été dominées par les traditions hospitalières. Geneviève Appel, psychologue de la petite enfance dans l'équipe de Jenny Aubry après-guerre. Un peu à juste titre hein, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même savoir que la mortalité infantile était une réalité beaucoup plus prégnante qu'actuellement, que la morbidité, n'en parlons pas, et que quand même dans les années d'après-guerre, on ne disposait pas de tous les vaccins dont nous disposons maintenant, mais même dont on a disposé assez rapidement, et que pas non plus les antibiotiques, enfin plein de choses qui faisaient que une otite c'était grave, une diarrhée c'était très menaçant. Enfin bon, donc le caractère hospitalier s'explique. Alors c'est vrai que à la faveur de ça, on perdait beaucoup de vue toute la dimension éveil, construction de la personnalité, et que l'enfant passait des journées un peu vides. Et le personnel, je crois, ne mesurait pas du tout la maltraitance, quand même, il faut l'appeler par son nom, qui était infligée à ses bébés. Monsieur Vincent Auriol, président de la République, est arrivé, a parcouru ensuite les salles. Il s'est arrêté devant les petits lits blancs encore vides. Il a parcouru les salles de stérilisation, les salles de biberon. S'est fait expliquer les derniers procédés de la stérilisation du lait. Enfin, le voici maintenant dans la salle qui sera la salle de jeu et dans laquelle une petite réception a été organisée en son honneur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mesdames, messieurs, mon cher Depreux, je sais que ce n'est pas à vous que je vais adresser des compliments. Vous avez trop de soucis. Vous n'avez pas à veiller sur les bébés, mais sur des personnes beaucoup plus dangereuses. Mais c'est à Madame de Preux que s'adresse le compliment que je vais lui adresser de tout mon cœur. Ce petit établissement est un petit bijou, permettez-moi de dire cette expression. Et d'autre part, le fait que vous allez pouvoir aider toutes celles qui sont prises par le labeur quotidien et veiller sur leurs enfants, c'est aussi un grand exemple. Encore une fois, tous mes compliments. Je n'ose pas boire à votre santé, mais je bois à ceux qui demain suceront le biberon. Et voici Maurice Thorez qui monte à la tribune et qui va prendre la parole maintenant. 1er mai 1946. Un jour, il y a longtemps maintenant, les femmes se sont mises à travailler. Mais elles ont continué à avoir des enfants. Alors, au milieu du 19e siècle, quelqu'un a inventé la crèche. La crèche comme la crèche de la nativité, celle du bœuf, de l'âne, des trois rois mages, du charpentier, de sa femme et du fils prometteur. Au départ, elle était donc plutôt un havre de paix pour l'enfant qui attendait sa mère. Mais bien vite, face aux nombreuses épidémies et aux dangers de la contagion, elle est devenue un lieu de dépôt, où la santé des enfants et les défaillances supposées, des mères jugées plus ou moins indignes, étaient prises en charge. Ces crèches étaient celles des enfants dont les mères n'avaient pas le choix, celles des ouvrières, des mères célibataires, des mal logés ou des cas sociaux. Mais après la guerre, les femmes travaillaient de plus en plus, et il fallait toujours plus de crèches. Et malheureusement, le seul modèle de collectivité du tout petit était celui des hôpitaux et des orphelinats, autant dire celui de la fatalité. Pourtant, certains portaient au nu les joies de la collectivité et le rôle du travail féminin. Ceux-là, c'étaient les communistes, et ils étaient déterminés à faire en sorte d'avoir raison. Chers camarades, la crèche municipale qui portera le nom de Daniel Casanova, que nous venons d'inaugurer, serait, s'il en était besoin, un nouveau témoignage de la sollicitude de votre municipalité ouvrière et républicaine pour les tout-petits, crèche ou les bébés des femmes du peuple, des ouvrières, des employés, qui doivent contribuer par leur salaire à l'équilibre du budget familial. Les bébés sont l'objet de soins attentifs et éclairés afin qu'ils puissent devenir des enfants robustes et bien portants. Certain, c'est que quand même, en tout cas en 45, quand les crèches se sont ouvertes, et beaucoup dans les municipalités communistes, mais aussi dans les entreprises, en particulier Renault qui a fait des crèches, il y a eu autour des psychologues communistes qui démontraient que c'était bon pour les enfants, la collectivité. Claudie Cheboldaef, éducatrice de jeunes enfants, puis formatrice à la fin des années 60. Je crois qu'on ne peut pas couper ce qui est idéologique, forcément. En éducation, c'est toujours présent. Mais donc dans ces années, dans les crèches anciennes, pour éviter la contagion, les parents les déshabillaient, les passaient par un passe-plat, une espèce de passage, ou de l'autre côté, une personne qui s'appelait une berceuse, d'ailleurs, qui n'avait pas de formation forcément, mais qui était une gentille dame qui s'occupait des enfants, le recueillait, l'habillait. Donc quand même, il y avait toute cette mouvance dans ces années-là, des recherches qui se faisaient autour du comportement des enfants et de leur capacité à supporter des choses difficiles, des choses très difficiles, en particulier par les travaux de Spitz en Amérique qui démontraient qu'un enfant pouvait se laisser mourir s'il n'était pas entouré suffisamment de soins humanisés. Donc, alors, bien sûr, c'était des enfants privés de leur milieu familial, mais tout de même, ça a influencé un petit peu tout le monde. Il y avait aussi des recherches autour des crèches. Est-ce que c'est bon, la collectivité pour les jeunes enfants ? En particulier des psychologues français, Irène Lézine, Zazou et d'autres bien sûr, qui réfléchissaient eux plus au côté cognitif des jeunes enfants et disaient c'est bon la collectivité pour eux, pour défendre l'idée que les femmes devaient travailler après 45. Il y a tout ce mouvement, c'est pas complètement fini tout ça. Et donc voilà, c'est un peu le fait que par exemple la PMI qui a été mise en place, la protection maternelle et infantile qui a été mise en place en 47, juste après la guerre, qui, d'une certaine façon, disait que l'autorité parentale, d'accord, mais il fallait quand même que l'État se mêle un peu de la santé des tout-petits pour qu'ils se portent bien, et de la mère. Et donc, voilà, à partir de là, la réflexion autour de la garde éducative et non de la garde pour simplement pour éviter des transmissions de maladies et pour que les mamans puissent travailler, se met en place doucement. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Janvier 1947. Eh bien, mesdames, puisque Paris a été choisi pour siège du Congrès de la femme au travail, nous vous avons réunis ce soir pour vous demander s'il est tellement souhaitable, à votre avis, que la femme travaille. Suzanne Villain. Pour moi, la femme doit avoir son émancipation, elle doit avoir apporté son bien-être, elle doit s'émanciper également. Toutefois, quand elle est mère de famille et qu'elle a une responsabilité dans son foyer vis-à-vis des enfants et d'enfants indispensables à la vie, étant donné que nous savons que pour le plan de reconstruction de la France, si nous n'apportons pas à la naissance du pays des enfants sains et bien portants, tous les plans, quels qu'ils soient, le plan Monnet en particulier, ne pourra pas exister. Denise Masson. Nous pensons qu'il y a d'autres moyens d'aider la mère de famille que celui de lui offrir la possibilité de rester chez elle. Surtout, comme je le disais tout à l'heure, en un temps où toutes les énergies françaises doivent être tendues. Ce moyen, c'est celui de lui offrir la possibilité de faire garder dans la journée ses enfants. Eh bien, la femme qui est dans le travail et qui a un enfant, on doit la favoriser à ce moment-là pour qu'elle puisse l'élever. Irène Manceau. Je suis tout à fait de cet avis et je vous rejoins, Madame Troicot. Il est absolument anormal que les enfants qui appartiennent à des familles qui en ont la possibilité, qui ont la possibilité où la maman peut rester chez elle, et l'enfant est là, toute l'affection et toute la tendresse à laquelle il a droit. Et que seul un enfant d'ouvrier, parce que la maman est dans l'obligation d'aller dehors, n'a pas cette tendresse continuellement développée. Marie Couette. Et les mamans qui travaillent ont la même tendresse pour leurs enfants que oui, celles qui restent au dehors. Oui, mais elles ne peuvent pas la lui donner, Marie Couette. Mais non, pas du tout. C'est avec autant de plaisir. Et c'est avec autant de plaisir. Lorsque la maman travaille et qu'elle retrouve son petit le soir, avec quelle tendresse elle le trouve ce qu'elle voudrait. Oui. Justement, c'est pouvoir lui donner dans bien des endroits, dans les taudis où elle voudrait, où la maman voudrait pouvoir préserver l'enfant des taudis. Et je vous assure que les crèches et les garderies donneraient à l'enfant certainement plus de bien-être et plus de santé à ses petits, mais avec la tendresse de la mère également, parce que les mamans qui travaillent aiment autant leurs enfants que les autres. Au-delà du travail de la mère, après-guerre émerge la question de la souffrance des enfants. Et cette souffrance devenue visible, celle des enfants déplacés, traumatisés, isolés, livrés à eux-mêmes et souvent orphelins, a croisé la route de pédiatres, de psychologues et de psychanalystes. René Spitz, Françoise Dolto, Jenny Aubry, Donald Winnicott, Geneviève Appel, Myriam David, Odette Brunet, Françoise Davidson, Paulette Maguin, Irène Lézine, ils ont tous essayé de réparer et d'imaginer des lieux où le collectif ne serait pas synonyme de dépérissement affectif et où il faudrait apprendre à faire sans la mère. Geneviève Appel s'en souvient bien. À l'époque, ils ne pensaient qu'à ça, qu'à leur découverte. Le bébé est une personne. Quand je me souviens des discussions des années 50, c'était autour de ça. Et avec des prises de conscience que le bébé n'est pas qu'un tube digestif, ce qu'on disait à l'époque, que le bébé n'est pas insensible à la douleur, ce qu'on essayait de nous faire croire, qu'il pensait avant de parler, et que, enfin, des tas de choses qui maintenant sont une évidence, qu'il n'était pas du tout. Et curieusement, on se faisait attaquer sur des choses tout à fait inattendues quand on essayait de montrer ces situations de carence et la responsabilité de la société face à ça. Alors, il y a eu les travaux de Spitz qui ont eu lieu pendant la guerre et qu'on a connu traduits en France à la sortie de la guerre. Ça, c'était très important. Et puis, il y a eu donc le démarrage de recherche en France, en Angleterre, conjointe avec une équipe qui fonctionnait à Londres, dirigée par John Bowlby. L'équipe française était dans le service de Madame Aubry et c'était Myriam David qui conduisait la recherche. Et Il y avait aussi des quantités de recherches aux États-Unis qui avaient lieu. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé a demandé à John Bowlby de faire un tour du monde et de récolter toutes les études qui étaient faites sur ce sujet. C'était vraiment une prise de conscience, on pourrait dire, mondiale. Hein, sur, Bowlby a publié ce texte en 1955, si je ne fais pas d'erreur. Et aussi, ça a été quand même extrêmement important. Soins maternels et santé mentale. Même la conjonction des deux termes avait quelque chose de tout à fait révolutionnaire à l'époque. On n'avait pas tellement cette notion de l'importance de toute cette première éducation, je crois. Et les gens des crèches, qui fondamentalement, tout ce monde-là sont des gens de bonne volonté, hein, et donc étaient preneurs avec les résistances habituelles devant l'idée qu'on faisait pas bien, qu'il fallait faire autrement, que, comme toujours, c'est pas facile de changer, mais il y avait quand même un désir de progrès. Je pense que Dolto aussi avait beaucoup sensibilisé à la vie émotionnelle du petit. C'est l'époque où on découvrait qu'un enfant ému pouvait refaire pipi au lit. Maintenant, toutes les jeunes mères savent ça. Mais à l'époque, on riait quand elle a dit ça. Ça faisait ricaner tout le monde. Au départ, nous étions là pour tester les enfants qui n'allaient pas bien et qui nous paraissaient avoir des retards. Et donc, vraiment, le baby test, la mallette du baby test, était un instrument extraordinaire. Danielle Rapoport, une des premières psychologues de crèche et de PMI au début des années 60. Et les enfants, très vite, ont repéré cette petite mallette, ils se jetaient dessus. Et les baby tests que nous pratiquions montraient que les enfants n'allaient pas bien du tout. Et à l'âge de 3 ans, enfin les institutrices d'école maternelle, quand elles voyaient des enfants arriver des crèches dont je m'occupais, les appelaient les créchards ou les crécheux. Et en disant, mon Dieu, c'est catastrophique, le retard de langage, les troubles du comportement, l'agressivité ou la dépression. Hein. Et donc vraiment, on alertait beaucoup. Et l'Organisation mondiale de la santé avait été donc alarmée et c'est grâce à l'Organisation mondiale de la santé qu'on s'est mis tout à coup à écouter ces psychologues et Irène Lézine et Odette Brunet. En plus, nous avons eu la chance que au CNRS, à la recherche scientifique, Irène Lézine commence à adapter dans ses baby tests l'étude de l'intelligence sensorimotrice des bébés, c'est-à-dire Piaget, l'école de Jean Piaget de Genève, et on a découvert tout à coup que les bébés étaient intelligents. Or, qu'est-ce qu'on enseignait déjà à l'époque ? La psychanalyse des très jeunes enfants. Alors, parmi les choses que tous ces travaux des années 50 ont montré, je pense que ça a été... Geneviève Appel. Le besoin de stabilité pour le bébé, le besoin de pouvoir se référer à quelqu'un, le besoin de transition un peu préparée. Et c'est autour de ça que les gens ont commencé à travailler. À la même époque, vous aviez Madame Lévy qui commençait aussi à essayer de faire que les crèches soient moins carentielles et qui avait rencontré, je pense, des psychomotriciens en Allemagne qui faisaient de la gymnastique du petit qu'elle a assoupli et qu'elle a appelé l'éveil du tout petit et qui a énormément apporté dans les crèches. octobre 1961. Monsieur Millet, vous êtes directeur du service de la protection maternelle et infantile et c'est vous qui avez inauguré la crèche du 38 quai de la Râpée. dans le cadre de la semaine de la protection maternelle et infantile. Il y a ce qu'on appelle les centres de protection maternelle et infantile, qui comprennent à la fois des consultations. D'abord, consultations pré- et post-natales, destinées aux femmes, évidemment, en état de grossesse, et par la suite aux mamans qui viennent d'avoir un enfant. Puis, nous avons aussi des consultations de futurs pères dans certains établissements. Puis, nous avons les consultations de nourrissons qui s'adressent aux enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Et enfin, les consultations qu'on appelle des enfants du second âge, de 2 ans à 6 ans. En plus, dans certains centres, nous donnons des séances d'accouchement psychoprophylactique, c'est-à-dire des séances d'accouchement sans douleur, de façon à préparer les parturientes à l'accouchement sans crainte et dans les meilleures conditions. Ceci, c'est le centre. En général, un centre maintenant, au centre est rattaché d'abord une crèche qui comprend 40 places à peu près, avec 3 sections, une section pour les nourrissons, une section de moyens et une section de grands enfants, qu'on peut appeler grands enfants, enfin, de 22 mois à 3 ans, et qui sont les grands de la crèche. Quand j'ai commencé à travailler, et puis ça a duré longtemps, les enfants étaient pesés. Geneviève Aubert. On les pesait particulièrement le vendredi soir et le lundi matin. Psychologue de crèche, à partir de la fin des années 60, en Seine-Saint-Denis. Ce qui permettait de dire, vous voyez comme les parents sont pas très très bien, puisque l'enfant a, éventuellement, a maigri ce week-end. Il y avait toujours quelque chose. Mais là, à ce moment-là, il y a même eu des endroits où on donnait le repas de la soupe du soir pour être sûr que les enfants mangent. Alors, ça part toujours d'un bon sentiment, mais à un moment donné, ça renforce l'idée que les parents ne sont pas bons et qu'il faut leur donner ce qu'il faut. Et puis, un beau jour, on est passé de la surveillance des parents négligents à l'assistance aux parents débutants. C'était quand même un début. Alors, quand j'ai commencé à travailler dans les crèches, c'était en 1968. Les crèches étaient des crèches où ce qui était fondamental, c'était l'hygiène. C'était de rendre les enfants dans l'état qu'on nous les avait donnés le matin. Liliane Chassera, puéricultrice, puis directrice de crèche dans le Val-de-Marne. Parce qu'à cette époque, je crois que la notion d'aide était différente de celle d'aujourd'hui. Aider à l'époque, ça voulait dire aider les parents. Donc pour aider une maman qui travaille, il ne fallait pas qu'elle ait de linge à laver le soir. Il ne fallait pas qu'elle ait de soupe à faire le soir. Et il fallait que son enfant soit baigné. Puisqu'à l'époque, on disait « il lui reste qu'à jouer ». C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore compris que donner un bain, on peut y trouver du plaisir. Faire à manger pour son enfant, on peut y trouver du plaisir. Aider, c'était faire à la place. C'est-à-dire que c'était nous qui disions aux mamans « voilà, l'enfant, il a telle dose, combien de biberons, etc. » C'était nous qui disions à la maman « bon, bah, à partir de maintenant, on va commencer à lui donner une cuillère à café de sucré. » Ensuite, on va lui donner une cuillère à café de salé, de façon à faire la diversification alimentaire. C'était nous, professionnels, qui faisions les choses à la place ou qui aidions la mère. Enfin, vous voyez, à l'époque, on n'était pas spécialement dans les parents font mal, mais on était dans, on va les aider, ils savent pas. On disait aux parents, tiens, il a tel vaccin à faire. Ça, c'était notre rôle de paramédical, à prendre en charge les enfants par rapport aux sanitaires. Et puis, peu à peu, menés par Irène Lézine, sorte de bonne fée imprégnée des éducateurs soviétiques, les psychologues sont arrivés dans les crèches. Et d'un coup de baguette magique, elles voulaient tout changer. Elles ont commencé par s'occuper des jouets. Je me souviens que lorsque j'ai demandé des jeux à Madame Davidson, et puis plus tard après au docteur Paulette Maguin, Daniel Rapoport, on m'a passé ce qu'on appelait l'économe. Et je lui ai fait une proposition. C'était donc en 62-63, vous voyez. Et il m'a dit, des jeux ? Mais vous voulez dire quoi, des jeux ? Des jouets ? Alors j'ai dit, oui, des jouets, il nous faudrait des jouets. Mademoiselle Vac et moi, on a fait une petite liste et dit, mais de quoi vous parlez ? Enfin, vous avez des bébés, mais vous avez des enfants de moins de... Enfin, dans les crèches, c'est moins de 3 ans. Ils ne pouvaient pas imaginer que les enfants jouaient. Mais là, je vous parle des enfants de 18 mois. Je me dis, 18 mois ? 18 mois ? Alors je dis, mais à 9 mois, un bébé joue, monsieur. Comment vous vous appelez, mademoiselle ? Alors, je lui donne mon nom. Vous avez combien de vacations ? Bon, ben, je retiens votre nom. Ça se passera pas comme ça. » Et il a raccroché et j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai commencé à comprendre ce qu'étaient les résistances au changement. Moi, j'ai un souvenir de ce qu'on appelle la section des moyens, c'est-à-dire le moment où les enfants marchent. La parole n'est pas encore, enfin, le langage n'est pas encore bien là. Geneviève Aubert. C'était des endroits terribles. Ils étaient dans une pièce, il n'y avait quasiment pas de jeu. Ils se mordaient, ils se tapaient dessus. C'était terrifiant, personne ne leur parlait vraiment. C'était quand même ça qui était d'emblée saisissant, c'était le manque d'échange, le manque de parole et l'absence de jeu. Donc les jeux, très vite, ça a été quelque chose qu'on a tenté. Les enfants étaient dans les lits, dans des baby-relax, où ils étaient dans des parcs. Liliane Chassera. Et lorsqu'on donnait un jouet à un enfant qui était dans un lit et qui le faisait tomber, la personne disait, bah voyez, ça ne sert à rien de lui donner puisque de toute façon, il les fait tomber. Ils étaient attachés au pot quand même au départ. Hein. Ils étaient attachés à leur pot jusqu'à ce qu'ils fassent. Hein. Et donc, les gosses avaient inventé, parce que les gosses sont 10 fois plus intelligents que nous, ils avaient inventé d'avancer avec leur pot. Bon. Liane Moser, sociologue des équipements collectifs, à partir de 1971, en Seine-Saint-Denis. Il faut aussi savoir que jusqu'en 67, je crois, les bébés étaient attachés dans leur berceau. Et donc, la contention a été interdite. Mais ça a été très tardif. Hein. Mais, Paris, mais, Paris. Mais toute cette histoire, c'était il y a très longtemps. Personne n'avait encore interdit d'interdire, ni trouvé le moindre grain de sable sous les pavés. Et c'est alors que May est arrivé. Et avec lui, les premières crèches sauvages. En 1968, Françoise Lenoble-Prédine était une institutrice passionnée d'éducation nouvelle, fraîchement installée en banlieue. Paris, elle n'y allait jamais. Le quartier latin, elle connaissait pas. Alors poussée par son frère et renseignée par d'aimables CRS, elle débarque à la Sorbonne en plein délire, où elle se met en quête d'une improbable crèche mentionnée dans le journal. Mais elle ne trouve qu'un local vide, et les journalistes qui commencent à pointer leur nez. L'aventure va durer 7 semaines. Et rentrait une journaliste, elle s'appelait Georgette Gabé, c'était une journaliste du Monde. Elle faisait comme moi, elle cherchait, mon Dieu, une crèche, pour voir comment ça se passe, etc. Donc elle me demande ce dont on avait besoin. Donc je me dis, bon, ben, on a besoin, en fin de compte, si on avait une casserole, de l'eau, deux boîtes de lait, premier âge et deuxième âge, s'il nous arrive des enfants et qu'on est coincé la nuit, au moins on fait face à la situation. Donc j'ai passé ma nuit, pas d'enfants, je tiens à le dire, pas de responsable. Et c'est comme ça que le lendemain, j'ai débarqué en m'organisant vis-à-vis de mes propres enfants. C'était un engagement. Et du coup, je me suis retrouvée, en effet, avec des enfants, des règles qu'on a mis en place, du matériel qui arrivait, et une structuration d'un fonctionnement. Comme tout le monde était en grève, qu'il n'y avait plus d'essence, que bon, chacun allait dans sa crèche la plus proche. Daniel Rapoport. Donc des gens qui d'habitude faisaient une heure de trajet allaient dans la crèche la plus proche. Enfin, les parents, pareil. Les parents ne pouvaient pas aller à leur travail, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien. Là, en plus, tout le monde était en grève. Donc ils venaient à la crèche, ils s'assoyaient par terre, ils faisaient la cuisine. Et dans les services hospitaliers, ils surveillaient les perfusions, ils donnaient les bains. Et c'est comme ça, les parents sont rentrés, je dis toujours, à l'hôpital. Ils sont rentrés dans les crèches et ils n'en sont plus jamais ressortis. Je vais vous donner un exemple. Dans les crèches du 5e, juste à côté de la faculté Sensier, où il y avait les crèches sauvages. Et les directrices des crèches habituelles allaient voir les crèches sauvages et réciproquement, et on prenait plein d'idées. À la limite, nos crèches aussi étaient un peu sauvages, hein, même si elles n'étaient pas autant improvisées qu'à la Sorbonne ou qu'à Sensier. Donc évidemment, cette crèche a beaucoup attiré. Donc les règles, moi, c'était que les enfants soient désangoissés. Françoise Lenoble-Prédine. Et aussi, je reprenais toutes les méthodes d'éducation active. Bon, pas les ranger par tranche d'âge. Donc, en effet, les grands s'occupaient des petits. J'ai des gens du quartier qui sont vite venus. J'ai des médecins qui sont passés. Donc, au fond, j'ai organisé un espace enfants-parents. Donc au fur et à mesure, on a monté toute une structure où ça cognait un peu dur dehors, mais on faisait marionnettes, on faisait dessins. J'accueillais les comités d'action, je me rappelle, des enfants d'âge primaire. J'avais les enfants de 11 ans, ils pouvaient servir, ils étaient utiles. Donc les ateliers, après les problématiques de nourriture, après les problématiques au niveau des parents eux-mêmes. On ne laisse pas un enfant pendant 4 heures, donc où vous allez, vous vous inscrivez. Après, j'avais tous les comités d'entreprise. Donc, ah, dites donc, une crèche sur le lieu de travail, qu'est-ce que c'est bien. On pourrait imaginer les crèches d'entreprise, les crèches de proximité. Après, il y a eu tout le débat sur de l'importance des 6 premières années de la vie de l'enfant, des liens entre les plus grands, les plus petits, les espaces à préserver, de l'importance. Alors, ça s'est fait tout seul, et je ne l'avais même pas vu, mais c'était les journalistes par leur interrogation. Ah bon, je me rappelle Ménie Grégoire disant « Ah bon, mais vous avez des hommes ?» Moi, ça me paraissait logique, et donc, évidemment, j'ai développé de l'importance, de la présence des hommes, et pourquoi pas avoir des instituteurs de maternelle, des puériculteurs. Du coup, il y a eu comme ça, par le fonctionnement et la réalité de terrain, tout un brassage qui, au fur et à mesure, je me rendais compte, en effet, là, on voit que vous avez des adolescents et des grands, pourquoi ? J'ai rappelé les poèmes pédagogiques de Makarenko, c'était qu'on lisait au moment où on apprenait les méthodes d'éducation active, en effet, travail de terrain, révolution russe, c'était très romantique, un éducateur qui avait réuni les enfants dans la rue pour, à partir du travail, et comment les grands s'occupaient des petits. Donc moi, il n'y avait aucune raison que mes comités d'action de l'école primaire d'à côté ne fassent pas une animation marionnette et dessin, que des jeunes adultes hommes ne s'occupent pas en tant qu'éducateurs des jeunes enfants, et ça se faisait tout en faisant. On vivait, on mangeait, on se racontait des histoires, fallait déculpabiliser, etc. À Sancier, occupation des locaux du bureau du directeur M. Cuc par de futurs étudiants. Écoutez Pierre Salvia. 18 novembre 1969. Depuis 16h cet après-midi, une dizaine de marmots occupent le bureau de M. Cuc, le directeur administratif du centre. Les contestataires en culottes courtes ne savent pas très bien pourquoi ils sont encore là ce soir, mais peu importe, ils ont envahi sans complexe le bureau directorial et n'ont pas l'intention de partir tout de suite. Après tout, pourquoi pas, puisqu'on a bien fait les choses, en mettant les jouets en commun, les marmots de Sancier se sont créés un paradis à leur image. Pendant ce temps-là, les parents protestent, ils ont publié un communiqué avec 3 revendications principales. On veut des locaux appropriés pour l'hébergement des enfants, disent-ils. On souhaite des éducateurs choisis et rémunérés. Enfin, on souhaite l'ouverture de cette crèche à tous les enfants du quartier. Voici quelles sont les revendications. Pour l'instant, les autorités font la sourde oreille. Alors, il a été décidé que cette nuit, 10 enfants coucheront ici. Cette perspective n'est pas pour déplaire aux gosses, d'ailleurs. L'un d'entre eux a exposé son point de vue au micro de France Inter. Quel âge tu as, 4 ans ? 4 ans, oui. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi au centre Sancier ? J'ai occupé le bureau de Cuc. Et puis qu'est-ce que tu as fait ? Tu as joué ? Tu t'es amusé ? Oui, j'ai joué avec les fauteuils de Cuc. On avait quand même des actions assez fortes à l'époque de débouler dans des entreprises, tout équipé avec les enfants, les parents, boum, on s'installait dans une pièce, on demandait monsieur le directeur, on lui occupait son bureau, on dit excusez-nous, etc., faut débattre des entreprises, etc., et on s'installait, mais le fait que tout est organisé, les goûters, les ci, les ça, le dessin, etc., c'est très difficile de virer, etc. Mais c'est vrai que c'était pas un mouvement qui était soutenu par le MLF à l'époque du tout. Du tout, du tout, du tout. Et pourtant, Françoise Lenoble-Prédine, c'est à l'époque, les femmes travaillaient de plus en plus, elles avaient des grossesses et des maternités qui étaient de plus en plus choisies. Il y avait vraiment un besoin et une revendication de crèches. C'était un moment où les crèches, c'était quelque chose qui était en train de changer et qui était revendiqué par beaucoup plus de femmes. Alors, en effet, il y avait bien tout le débat. D'ailleurs, c'est Evelyne Sulraux, à l'époque, en tant que sociologue, on a fait des... à l'intérieur même de la Sorbonne, pendant, comme on dit, les événements. Et c'était très, très surprenant, parce que quand même, Evelyne Sulraux, avec moi, à partir de la crèche sauvage, parler de l'importance des 6 premières années de la vie d'enfant et faire que l'amphithéâtre était plein, ras-bord, c'était quand même surprenant. Donc il y avait une grosse attente sur ce nombre de places de crèche et un gros débat sur non, fallait pas culpabiliser, oui, les enfants petits ont une vie sociale, de l'importance de cette vie sociale, que le temps consacré à l'enfant, c'est la qualité du temps, et que si on travaillait, c'est pas pour ça qu'on abandonnait son enfant, mais qu'on pouvait participer et obtenir, etc. Donc c'était mûr, les femmes avaient besoin, mais en expliquant bien une crèche, mais pas par randonnion, que ce soit une vie, etc. Alors, dans les crèches, les premiers changements sont arrivés... Liliane Chassera. Autour des années 71-72, c'était le début. Hein. Alors, qu'est-ce qui a facilité toute cette évolution? Il y avait dans les crèches des psychologues à l'époque qui venaient une heure par semaine. Elles avaient une quinzaine de crèches sur leur territoire. En une heure, on ne peut pas faire grand-chose, mais elles ont suscité des demandes. Il y avait aussi, au niveau de la professionnalisation des personnels, on a tendance à dire que pour s'occuper des enfants, il suffit d'être mère de famille. Alors oui, quand on est pour s'occuper de ses enfants, oui, tout à fait. Pour s'occuper des enfants des autres, c'est un peu plus compliqué. Et on avait la professionnalisation des personnels petite enfance. Il y a eu un temps qui s'est augmenté au niveau des études. Et en particulier le 93, où Madame de Chambrun a été, qui était le médecin-chef PMI, a vraiment... Claudie Cheboldaer. Vraiment fait une action très importante autour de la formation des berceuses qui travaillaient encore dans les crèches pour qu'elles aient quand même une formation. L'entrée d'auxiliaires de puériculture qui travaillaient quand même beaucoup plus dans les hôpitaux que dans les crèches. Et puis l'arrivée d'éducateurs de jeunes enfants, une par section, dans pratiquement toutes les crèches de Seine-Saint-Denis. Vous évoquez depuis le début de l'entretien, Geneviève Aubert, la Seine-Saint-Denis. Vous pensez que c'est important, le fait, ça a aussi beaucoup évolué dans le Val-de-Marne et assez vite, les crèches, que ce soit des départements communistes qui aient favorisé ces changements? En tout cas, c'est comme ça, je pense que oui. Puisque c'est le 93 et le 94 qui ont eu beaucoup de crèches, qui ont donné une impulsion. Après, tout le monde, bien sûr, a changé, mais il y a une impulsion donnée là qu'on n'avait pas dans les autres crèches. Donc moi, j'ai commencé à travailler en Seine-Saint-Denis et l'organisation du département a fait que nous avons eu un médecin-chef qui a été nommé à ce moment-là. Et ce médecin-chef s'appelle le docteur de Chambrun, qui immédiatement a compris que la petite enfance était vraiment, ce qu'il fallait développer et un point sur lequel il fallait beaucoup insister. Donc le premier gros changement, d'un côté, il y a eu beaucoup plus de psychologues embauchés et un psychanalyste est venu en Seine-Saint-Denis sur la proposition de Madame de Chambrun et des psychologues, c'est le docteur Hassoun qui est venu. Et là, il a lancé quelque chose qui était absolument étonnant, c'est-à-dire pour la première fois, il proposait dans les crèches de venir régulièrement, une fois par mois. Et il réunissait tout le personnel. Jamais, jamais le personnel s'était réuni pour parler. Donc il réunissait le personnel, c'était un monsieur qui avait une pipe, qui était sérieux, qui était intéressant et sérieux. Et il ne disait rien. C'était l'époque aussi où les psychanalystes ne parlaient pas du tout, du tout. Ce qui fait, j'ai quand même des souvenirs, des fois un peu difficiles, parce que personne ne parlait. Et puis, à ce moment-là, un autre mouvement est venu. Enfin, il y avait des tas de mouvements qui se sont greffés. Et en même temps, donc sur la Seine-Saint-Denis, le CERFI, avec Yann Moser, entre autres, un mouvement de recherche est venu. Et ce qu'ils ont très bien fait, je trouve, c'est... ils ont donné la parole, laissé la parole à tous les partenaires des crèches, à toutes les crèches, du personnel de la cuisinière à la directrice. Tout le monde pouvait parler et tout le monde parlait. Alors après les psychanalystes, il fallait insuffler aux crèches désormais ouvertes aux parents un peu de désir, de plaisir et de ce mystérieux esprit de mai. Et ça, en Seine-Saint-Denis, c'est le CERFI qui l'a fait. Un groupe de recherche autogéré, mené par Félix Guattari, qui cherchait comment vivre ensemble autrement. Et au CERFI, il y avait Liane Moser, militante gauchiste libertaire, opposée aux structures familiales éducatives traditionnelles et qui croit dur comme fer au collectif. Encouragée par l'engagement de Jacqueline de Chambrun, elle va le mettre en place et le constater, la collectivité pour les petits comme pour le personnel, c'est formidable. Et on est arrivé donc dans les crèches en 71, dans les crèches de Seine-Saint-Denis. C'est l'époque où Madame de Chambrun a enlevé les étiquettes interdites, entrées interdites aux parents. Si vous voulez, il y a eu toute une série de discussions, de réunions. Donc pendant que Assou faisait ses groupes de silence, nous, on s'est mis à l'école des auxiliaires de puériculture. Donc en gros, on était en stage. Hein, on s'est pas du tout posé en juge, ce qui était la position quand même de tous les psychologues à l'époque, hein, sauf quelques-unes. Et donc, notre point de vue, c'était qu'est-ce qu'il y a de positif pour les enfants dans les crèches. Alors que jusque-là, c'était toujours, tout était négatif. Ils étaient en retard pour le langage, ils étaient en retard pour la motricité, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment toutes sortes d'initiatives qui ont été prises par de Chambrun, des psychomotriciennes, de la gymnastique du nourrisson. Soudain, on s'est dit, bah tiens, on pourrait peut-être faire autrement. Donc, on a commencé la peinture au doigt, on a favorisé la nudité des enfants. Ça vient direct de la crèche de la Sorbonne, ça, c'est direct. Hein, bon, parce que jusque-là, mettre un enfant à poil, c'était absolument hors de question. Et donc, ce qui était très important, me semble-t-il, dans l'évolution, c'est cet aller-retour permanent de discussion avec le personnel, parce que jamais les choses n'ont été imposées. Moi, j'écoutais les émissions à la radio de Françoise Dolto. Qu'est-ce que c'est, Françoise Dolto? Qu'est-ce qu'elle dit? Et puis, dans le quotidien, il y avait l'observation de ce qui se passait dans les crèches. Liliane Chassera. Et moi, par exemple, j'ai voulu essayer de faire sortir les enfants des lits. Et pour faire sortir les enfants des lits, je me suis servie d'un prétexte en 1974, qui était Janine Lévy qui a écrit « L'éveil du tout-petit ». Qui était ce qu'on appelait la gymnastique du tout petit avec des gros ballons. Et c'est vrai que pour le personnel qui n'était pas encore habitué à regarder les enfants, à faire des observations, passer par l'intermédiaire d'un objet qui était le ballon, m'a tout à fait permis de faire sortir les enfants des lits. On a commencé à ouvrir les barrières des lits, à pouvoir prendre un enfant en dehors d'un change et à faire des choses avec lui. Mais comme on travaillait en faisant des observations, on s'est vite rendu compte que la façon dont on prenait les enfants, dont on les mettait en insécurité sur un ballon, quand on regardait leur visage, quand on regardait les membres et qu'on voyait qu'ils se crispaient, on s'est dit, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc au lieu de les mettre sur un ballon, on va peut-être acheter un tapis, on va peut-être le poser sur un tapis. Bon, voilà, tout simplement. Et ça a été une révolution. Mais c'est vrai que le personnel n'était pas habitué à ça et qu'il a fallu petit à petit réfléchir, prendre aussi du plaisir à voir qu'en fait, quand on aidait un enfant par le regard et par la parole, ben, il y arrivait aussi bien que quand on faisait le geste avec lui. Et évidemment, toute cette libération, émancipation du corps des enfants a conduit aussi à une émancipation du corps des femmes. Liane Moser. C'est-à-dire que jusque-là, elles étaient assises sur les chaises de crèche. Je ne sais pas si vous avez visité des crèches, mais c'était des toutes petites chaises. Donc, elles n'étaient pas très confortables. Alors que là, d'abord, par terre, c'était pas sale. Et donc, elles ont commencé à fabriquer des coussins, des mobiles, des machins. Et donc, elles étaient assises à hauteur des enfants. Les enfants crapahutaient. Donc, tout cet apprentissage qui a demandé beaucoup de travail au personnel, il ne faut pas se leurrer, hein, ça a été un effort important. Mais pour elles-mêmes, d'abord, elles disaient « on est vachement bien assis dans nos coussins par terre ». Et d'autre part, ça leur a ouvert les yeux sur toutes les initiatives qui étaient prises par les enfants et sur lesquelles elles pouvaient se greffer en quelque sorte pour aller dans le sens de l'enfant et aussi trouver du plaisir, parce qu'elles trouvaient du plaisir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1973, paraît un livre qui va inspirer toute une génération de puéricultrices qui s'en réclament encore aujourd'hui. L'OXI ou le maternage insolite, écrit par Geneviève Appel et Myriam David. Elles l'ont constaté sur place, depuis les années 40 à Budapest, il existe une autre manière de faire du collectif. Quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, moi je travaillais dans un département où travaillait Geneviève Appel, et elle nous a beaucoup aidés à regarder l'enfant autrement. Liliane Chassera. Par l'intermédiaire de Amy Picler, qui travaillait à l'époque en Hongrie, et qui avait en charge une pouponnière où il y avait un regard extrêmement différent de ce qu'on était habitué à faire en France. Voilà. Donc là, on a commencé à travailler sur la motricité libre des enfants, ce qui ne veut pas dire que les enfants font tout et n'importe quoi. On a commencé à travailler sur le respect de l'enfant, sur l'enfant comme partenaire actif, et sur l'enfant ayant besoin de repères, que ce soit des repères affectifs, que ce soit au niveau de l'espace, au niveau des adultes et au niveau des copains. Donc ça a été une trame de travail qui nous a montré que les enfants pouvaient être autre chose que des petites choses qu'on manipulait comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'elle fait partie, le docteur Picler, de ces grands éducateurs du début du siècle dernier. Claudie Cheboldaer. Hein, Montessori, de Crowley, qui n'ont pas parlé des bébés, mais qui ont parlé des plus grands. Et quand on lit ce qu'elle dit pour les bébés, on retrouve tout à fait la même grande pensée humaniste de ces grands éducateurs du début du siècle, qui n'était pas forcément communiste, sauf René. Donc voilà, il y a une portée d'une idéologie particulière d'éducation qui s'appelle éducation nouvelle. Là, elle est plus nouvelle du tout, mais bon, on l'appelle toujours comme ça, qui met l'enfant à égalité avec l'adulte au niveau des relations. Et donc, je pense que quand c'est arrivé, amené justement par cette pouponnière très particulière, je pense que c'est extrêmement intéressant au niveau des idées. Encore faut-il les appliquer en fonction des familles, etc. Nous venons de voir des enfants élevés avec beaucoup de patience, d'affection et de vigilance. Le plus jeune a 17 jours, l'aîné a 3 ans. Depuis qu'ils sont nés, ils se meuvent librement. Et est-ce que vous pouvez nous dire, Geneviève Appel, justement, comment vous avez découvert cette pouponnière de l'OXI? Et puis, la première fois que vous y êtes allée, est-ce que vous y avez trouvé de nouveau? Alors, c'était une dame qui venait de Budapest, Judith Falk, qui était l'adjointe d'Amy Picler. Et je l'ai invitée à venir à la pouponnière Amio, donc où je travaillais à l'époque. Et là, il y a des choses qu'elle a appréciées, notamment le fait qu'on ait une auxiliaire de puériculture plus responsable pour quelques bébés. Enfin, on a travaillé sur l'individualisation des soins, mais qui critiquait plein d'autres choses au niveau des jouets, de la manière de chercher à sortir les enfants de leur lit dans des petits fauteuils, etc. Au bout d'un moment, elle m'a exaspérée, il faut dire ce qui est. J'avais vraiment envie qu'elle parte. Mais en même temps, elle répondait des choses tellement pertinentes et elle montrait une connaissance tellement fine des bébés et de leur développement que presque j'avais l'impression d'avoir jamais rencontré ça. Et du coup, je me suis calmée et je me suis mise à l'écouter parce que ce qu'elle disait m'agaçait, mais quelque part prenait sens pour moi. Et les arguments qu'elle apportait me déstabilisaient complètement et en même temps me paraissait pas absurde. Et en partant, elle a dit, vous devriez venir nous voir. Alors, ma foi, pourquoi pas, hein, ça se passait en 67. Alors, à Budapest, j'ai rencontré Amy Picler, de nouveau Judith Falk. Enfin, nous avons rencontré et c'était un peu la même chose. Le discours était un peu dérangeant et agaçant. Mais alors, les observations des enfants, est-ce qu'on a vu? Alors là, on ne pouvait pas passer à côté. Il y avait vraiment quelque chose chez ces enfants, dans la qualité du mouvement, dans les capacités d'attention, dans les relations entre eux, dans aussi, au moment des soins, dans la complicité avec l'adulte. Et vraiment, il fallait être aveugle pour ne pas le voir. Et comment ça était obtenu, dans une pouponnière. Ça méritait vraiment qu'on s'y arrête. Et c'est vrai que je n'ai eu de cesse que d'y retourner en me disant où nous sommes victimes d'une illusion, ils vont pas si bien ces enfants que je l'ai cru, ou vraiment il y a là quelque chose de très très très original. Un film de Tibor Preda. Image Imre Schuller. Expert Dr. Amy Pickler. Adaptation Clara Miketz. Dessin Clara Pop. Directeur de la production Olga Rousse. Le film a été tourné à l'Institut National Méthodologique des Foyers des Tout-Petits. Studio Marfilm, sur commande du Centre d'éducation sanitaire du ministère de la Santé. Alors l'OXY, c'est pareil, j'ai visité la première crèche en France qui a utilisé l'OXY, qui était, la directrice s'appelait Madame Catherine, c'était la crèche de Sèvres. Et c'est vrai que c'était très impressionnant, parce que les adultes n'intervenaient qu'à la demande des enfants, que ces enfants étaient d'une habileté phénoménale, il n'y avait jamais d'accident, etc. Mais la critique qui a pu être faite dans certains endroits, c'est que, c'est comme toujours, il y a une application dogmatique et puis il y a une application, on va dire, souple. Et vous avez l'impression aussi, Liane Moser, que ce qui a joué, c'était une forme d'idéologie. C'est une époque où on croyait au collectif. On croyait à la vie en collectivité, et notamment dans ces départements qui étaient communistes, qui croyaient aussi au collectif. Vous pensez que ça a joué aussi ? Alors, les communistes, historiquement, étaient pour le collectif. Bon, ça, c'est sûr, de façon dogmatique. Mais je ne dirais pas que c'est une idéologie. Je dirais que c'était... La découverte dans les années 70 d'Olto, Bernartis, les accouchements Le Boyer, soudain on s'est dit le bébé n'est pas qu'un tube digestif. Le bébé a des compétences, a des capacités. Ces expériences-là, ces choses-là, qui ont mis au centre des préoccupations les capacités et les dons qui étaient ceux des enfants renvoient à une question philosophique, finalement. Et puis c'est politique aussi. C'est politique au sens où... Politique pas au sens Sarkozy, mais c'est politique au sens où 68, ça a été « Plus personne ne parlera en mon nom ». Et jusqu'à maintenant, dans les crèches, tout est bien qui finit bien. Merci à Geneviève Appel, Geneviève Aubert, Liliane Chassera, Claudie Cheboldaev, Françoise Lenoble-Prédine, Liane Moser et Daniel Rapoport. Merci à Annie Milgram, à l'association Picler-Loxy, au Cérimès et à la crèche franco-chinoise de Paris dans le 10e arrondissement. Prise de son, François Rivalan, Archivina, Aurélie Marsay et Amélie Briand-Lejeune. Mixage Alain Joubert, Le Printemps des Crèches, une émission de Perrine Carton et Véronique Lamandour. Je peux aller jouer. Bébés, pédiatres, nullipares ou allergiques aux nourrissons, LSD à l'heure d'été, c'est terminé pour cette semaine. Et pour nous réécouter à la PMI, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous irons écouter le chant des baleines. Mais en attendant, restez à l'écoute.